Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce jeudi 15 novembre 2018, l'indicatif à l'instant est toujours en fond sonore. Ici vous indique que c'est le rendez-vous du mois avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier, notre rendez-vous mensuel, le troisième jeudi de chaque mois. Il est jeudi 15 novembre midi ou 19h si vous suivez la rediffusion, encore même peut-être vendredi 16 novembre au matin 8h pour l'ultime rediffusion de ce programme mensuel, donc réalisé en partenariat avec le GREMOS, une émission en ce mois de novembre qui va être consacrée à nouveau à la Biennale Trace, le réseau Trace. La Biennale qui, une nouvelle fois, est de retour après, il y a 2 ans, une première Biennale qui interrogeait la crise des migrants. Vous avez dit crise des migrants était la question que posait la Biennale Trace en 2016. 2 ans après, en éco-réponse, la Biennale Trace propose Monde en migration. C'est une Biennale qui a commencé le 5 novembre dernier et qui va se prolonger jusqu'à la fin de ce mois, jusqu'au 30 novembre prochain, en film, expo, débat, théâtre, conférences et autres visites. Ce rendez-vous du jour tombe à point nommé puisque les rendez-vous sont nombreux sur le département de la Loire, notamment en projection rencontre. C'était le cas ce mardi 13 novembre à la Cinémathèque de Saint-Étienne autour de la soirée intitulée « Baraque, village nègre et bidonville » avec les expériences menées par, enfin expériences et recherches même plutôt menées par deux anthropologues, sociologues sur ces lieux oubliés de l'immigration à la fois à Lyon et dans la région stéphanoise. C'était ce mardi. Et puis un autre rendez-vous qui est proposé aujourd'hui même, ce 15 novembre. Si vous suivez la diffusion directe, peut-être pourriez-vous vous rendre ce début d'après-midi à 14h30 à la projection du film « Il était une fois en France » qui revient sur ce que l'on a appelé le mouvement Beur et la marche du même nom au début des années 80. C'est toujours à la Cinémathèque de Saint-Étienne, 2024 rue Jo Goudbarge à Saint-Étienne. D'autres rendez-vous proposés, on en reparlera dans l'agenda en fin de cette émission spéciale consacrée à Trace 2018, mais c'est à nouveau sur un rendez-vous de la Cinémathèque que nous allons nous arrêter aujourd'hui. L'équipe du GREMOS n'est pas présente aujourd'hui en studio radio. Je salue au passage bien sûr les camarades de l'association qui étaient néanmoins présents hier, ce mercredi 14 novembre à la Cinémathèque pour cette grande journée proposée sur le département de la Loire et à Saint-Étienne. Le réseau Trace qui est un réseau régional en Auvergne-Rhône-Alpes, un réseau histoire-mémoire des immigrations, des migrations donc dans cette deuxième région actuelle à recevoir des migrants et qui interroge depuis maintenant plusieurs éditions et depuis le début de ce siècle, finalement, les traces de ces dernières migrations et immigrations sur son territoire, celles qui l'ont marqué par le passé, certes, et celles qui aujourd'hui dessinent ses devenirs. Ce sont aussi les grandes lignes du réseau Trace et de cette biennale qui propose des grandes journées co-construites par une multitude d'acteurs du réseau en différents points ou départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le cas, ou c'était le cas à Saint-Étienne, avec cette grande journée table ronde de projection qui était proposée ce mercredi 14 novembre, c'est-à-dire hier en fin d'après-midi. Et c'est précisément sur ce temps-là que nous allons vous proposer de nous arrêter aujourd'hui avec une restitution, je dirais, et un retour sonore quasi à chaud, avec l'occasion de retrouver les différents interventions, intervenants, intervenantes de cette table ronde qui se tenait hier à l'issue de projections d'extraits de documentaires. Une journée qui portait sur la thématique « Les immigrés dans les luttes ouvrières », le tournant 68, des documentaires qui proposaient de faire focus à la fois sur Saint-Étienne en comparaison avec des luttes plus larges et nationales notamment, la Peñarroya à Lyon, la banlieue parisienne aussi, avec la lutte des ouvriers spécialisés à Biancourt, à Talbot-Poissy, à Citroën-Aulnay, les foyers Sonacotra contre la circulaire Marcelin-Fontanet et bien d'autres. Et puis, un focus est également proposé sur Saint-Étienne avec des films d'archives de la Cinémathèque proposés sur la grève des mineurs et métallurgistes en 47-48, immigrés à Saint-Étienne et notamment la grève des travailleurs tunisiens en 73, CFAMEC, Également, l'usine en grève mobilisée fin des années 70-79 du côté de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds. Et puis encore, extrait du film « Était une fois en France, marche pour l'égalité et contre le racisme donc en 83 ». Extrait donc de ce film qui est à nouveau projeté d'ailleurs cet après-midi à 14h30 et qui l'était en intégralité hier soir, il me semble, à 21h. Suite à ces projections ou extraits de documentaires, se tenait donc cette table ronde en présence, je le disais, de chercheurs du Grémos et notamment de Jean-Paul Benthière qui intervenait sur cette grève des travailleurs tunisiens de 73, grève de la faim, dont il a déjà pu proposer ici émission spéciale. Nous allons donc vous proposer, parce que aussi le format déjà va être inhabituel pour cette émission Grémos qui va dépasser les 60 minutes habituelles, nous allons vous proposer finalement un rendez-vous en deux temps. Nous proposons de revenir ultérieurement sur la grève de la faim des travailleurs tunisiens 73 avec Jean-Paul Benthière et des échanges d'ailleurs qui s'en sont suivis hier dans une émission prochaine. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer de revenir sur les deux autres interventions, celle de Mohamed Ouadane, qui est délégué général du réseau Mémoire Histoire en Ile-de-France, et puis Michel Zancarini-Fournel, qui est professeur émérite d'histoire contemporaine et qui travaille beaucoup sur la question féminine, féministe, mais aussi sur l'histoire ouvrière, bien entendu, au début des années 60, notamment avec plusieurs ouvrages, Le Moment 68, une histoire contestée, un de ses ouvrages, La France du temps présent, 45-2005, ou Histoire de femmes en France encore, au 19e, 20e siècle, ouvrage qui est paru en 2005. Voilà, je vais vous proposer donc de retrouver ces deux interventions essentiellement aujourd'hui, le tout illustré à la fois de propositions sonores et de musique en l'occurrence, et puis également d'interventions autres diverses du public présent hier à la Cinémathèque de Saint-Étienne, et puis encore de ceux qui finalement aussi sont garants du projet Trace, en sont soit les permanents coordinateurs, soit des membres actifs. C'est le cas d'Abdel Hatif Chawit, qui est psychologue, anthropologue, qui est également directeur ou rédacteur en chef de la revue Écart d'identité et qui est un des cofondateurs de Trace précisément. Il était hier présent à la Cinémathèque de Saint-Étienne. C'est Abdel Hatif Chawit avec Sébastien Eklan, qui est coordinateur du réseau, qui va pouvoir intervenir d'ailleurs en premier lieu d'ici un instant. Vous aurez l'occasion également d'entendre une autre voix, celle du président de Trace. Il s'agit de Bruno Guichard, qui également était hier présent lors de cette journée table ronde projection et qui avait l'occasion tout simplement d'être médiateur, animateur de cette table ronde. Voilà pour l'essentiel menu contenu de ce programme Grémos aujourd'hui, assez chargé, vous allez l'entendre. Après ces diverses interventions, nous aurons l'occasion bien entendu de terminer avec un petit agenda et notamment les rendez-vous encore de cette Biennale Trace à venir d'ici le 30 novembre, non pas en région mais essentiellement sur le département de la Loire à Saint-Étienne, avec de nombreux rendez-vous qui ont lieu d'ailleurs cette fin de semaine, en cette mi-novembre ou encore début de semaine prochaine. Voilà, émission Grémos spéciale Biennale Trace 2018. Kabyle de la chapelle et des quais de Javel, homme de pays, loin. Cobaye des colonies, deux petits musiciens, soleil adolescent de la porte d'Italie, Boumian de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers. Étrange étranger, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Abdel Hatif Chawit, je suis membre tout simplement du bureau de Trace. Donc je voudrais juste dire deux mots pour d'abord vous remercier d'être là. Remercier nos hôtes, la Cinémathèque, et notamment Antoine Rava, bien évidemment, qui sont partenaires. Nous avons fait de Trace depuis longtemps, et en tout cas, encore une fois, pendant cette biennale-là. Remercier bien évidemment les gens, enfin les institutions qui soutiennent Trace, qui continuent à soutenir Trace, et notamment la DRAC au niveau de la région. Et puis je voudrais remercier bien évidemment mes collègues, Bruno Guichard, président de Trace, qui était ses présidents, c'est lui qui va animer la table ronde, et donc il se chargera de présenter aussi les intervenants de ce soir, que je voudrais remercier vraiment très très très chaleureusement. Mais Bruno les présentera plus précisément. Et puis Sébastien Escandre, qui est le coordinateur depuis une année maintenant, une petite année de Trace. Il est tombé en plein dans la préparation de la Biennale, mais il s'en sort très très bien. D'abord remercier effectivement tout le monde, le partenariat, vous remercier d'être là, et puis vous dire tout simplement deux mots de Trace, mais très très rapidement, parce que Trace aujourd'hui, c'est... Il y a toute une trace aussi à suivre historique qui commence à devenir relativement longue. C'est un réseau de partenaires qui ont d'abord commencé, ils font partie des acteurs qui, dans les années 90 plus exactement, ont commencé à se préoccuper de cette question de la place de l'immigration dans l'histoire de la France, en gros. Il y a eu des chercheurs, il y a eu des acteurs associatifs, il y a eu des acteurs culturels, etc. Et donc chacun de son côté avait commencé un petit peu à travailler sur ça. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, au tournant des années 90-2000, on s'est dit, il faudrait quand même donner à cette question-là une ampleur plus importante, plus intéressante. Donc comment créer plutôt un événement, et penser à créer un événement régional de manière à pouvoir toucher le maximum de monde sur cette question-là, qui est quand même extrêmement, extrêmement importante. Et donc le réseau Trace a démarré un petit peu comme ça, entre 5 ou 6 acteurs, dont Saint-Étienne justement, dont des acteurs de Saint-Étienne à l'époque, entre Saint-Étienne, Grenoble, Lyon, etc. Ça a démarré comme ça, et puis l'idée a été est venue de dire on construit des biennales. Et puis ça a fonctionné depuis comme ça, par biennale. Hein. Tous les deux ans, il y a un grand événement qui se passe, un grand événement. C'est-à-dire un certain nombre d'événements. Aujourd'hui, on en est à 120 événements, je crois, cette biennale-là. 120 événements qui se déroulent sur l'ensemble de la région. Et la particularité, c'est d'essayer de croiser véritablement les acteurs qui s'intéressent ou qui travaillent sur ces questions-là, c'est-à-dire à la fois les chercheurs, les acteurs culturels, les acteurs associatifs, les acteurs militants, les acteurs, parfois des acteurs institutionnels également. Il y a eu des musées, des archives, etc. Donc c'est un petit peu ça ce qui fait un peu la particularité de Trace. La deuxième particularité étant que c'est probablement peut-être le premier réseau régional qui se constitue autour de cette question-là. Aujourd'hui, il y en a plusieurs dans plusieurs régions. Il y a plusieurs réseaux, histoire, mémoire, histoire ouvrière, histoire des quartiers, etc., qui sont là. Et puis, l'autre particularité, c'est que petit à petit, donc tous ces gens-là, sont arrivés à construire ce qu'on appelle aujourd'hui un interréseau, une association interréseau au niveau national. Donc ils regroupent l'ensemble des réseaux, le réseau Trace sur la région ici, un réseau sur PACA, un réseau sur Strasbourg, un réseau sur du côté de l'Aquitaine, du côté de France, etc. Et nous avons parmi les intervenants de ce soir, le coordinateur de l'interréseau au niveau national, Mohamed Ouadane, que Bruno présentera également, là, qui est aussi qui coordonne aussi le réseau d'Île-de-France. Il vous en parlera. Donc voilà, vous dire tout simplement merci d'être là et de s'inscrire dans ce travail de la trace, dans ce travail de la mémoire qu'on essaye effectivement de maintenir, parce que ça nous semble tout simplement, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, qui est un contexte qui est en train de se diversifier, etc., qui nous semble tout simplement effectivement une manière d'arriver à relire et à réinscrire la question de toutes les présences qui ont constitué ce qu'on appelle tout simplement la France aujourd'hui. Voilà, je ne voudrais pas être plus long que ça. Merci encore à tout le monde. Sébastien, peut-être deux mots concrètement sur le montage. Merci Abdelatif. Oui, juste vous dire vraiment deux mots sur la première sélection que vous allez voir maintenant. Donc c'est une sélection d'une dizaine d'extraits qui nous racontent un peu une continuité des luttes autour des travailleurs immigrés. Donc c'est un montage comme ça qui est entre 63 et 82, et puis aussi un petit ciné-tract qui date de 2010. Et donc, en fait, ce montage juste a été fait par Tanguy Perron, qui est donc un historien cinéphile spécialiste, du coup, qui fait un travail au quotidien au sein d'une institution qui s'appelle Périphérie, qui est en Seine-Saint-Denis, qui existe depuis 35 ans, qui fonctionne beaucoup sur le principe de résidence d'artistes et qui a notamment, du coup, ce service patrimoine que dirige Tanguy. Et donc Tanguy, depuis longtemps, travaille cette question de cette mémoire autour des luttes des travailleurs émigrés. Et il a notamment fait des éditions livres et DVD que vous pourrez trouver. Voilà, donc vous allez voir une dizaine d'extraits de sa part de Chris Marker. Et voilà, il y a différentes. Ça va être un peu illustratif des échanges qu'il y aura ensuite. Voilà. Ensuite, on fait une petite pause et donc voilà. Là, je vous dis, il y a eu une vraie émotion à voir certains extraits de films. Et puis je me suis dit, je voulais dire, peut-être ça reviendra dans le débat. Bruno Guichard. Quelle énergie, quelle président volonté. Trace. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Et ce qu'on a vu, c'est pas l'ancien monde, pour parler comme l'autre. Je crois que c'est le monde de l'espérance de demain. Voilà, et je crois que ça a traversé ce film. Et bon, je sais que, enfin, j'imagine que. Beaucoup d'entre, enfin bon, certains d'entre vous et moi-même, on a participé à un certain nombre de ces conflits. On les a partagés. Et c'est vrai qu'il y avait de l'énergie, il y avait de l'espérance, il y avait des volontés de transformation. Là, je voulais dire ça parce que finalement, j'avais pas vu les extraits et je trouve que c'est des beaux extraits, d'où l'importance de la mémoire et on revient à Trace. Ce qu'on a voulu faire dans Trace, c'est le thème là, de notre rencontre, c'est les immigrés dans les luttes ouvrières, le tournant 68. Alors, donc il faut prendre tous les mots. Parce qu'on fait cette rencontre ce soir à Saint-Étienne, mais il y a d'autres rencontres qui sont prévues à Oyonnax, à Jujurieux. Ce qu'on a voulu, on s'est interrogé, on a dit, tiens, c'est la commémoration de 68. Donc comment est-ce qu'on peut parler de 68, en parler intelligemment, hein, avec justement ce regard sur l'avenir et non pas uniquement étant tourné sur le passé, à la distribution de médailles. Et on s'est dit, il y a deux choses qu'il faudrait qu'on essaye de rappeler, de mettre en perspective. La première, c'est que les immigrés sont présents dans le mouvement ouvrier depuis leur présence en France. Et ce qu'on va faire à Oyonnax, à Jujurieux, c'est la présence de femmes, hein, entre autres à Jujurieux, la présence de femmes dans l'industrie de la soie dès le 19e siècle, quand la belle bourgeoisie lyonnaise a dit merde, mais les canuts nous emmerdent, on va aller chercher des travailleurs immigrés et des travailleuses en l'espèce, hein, en Italie et en Pologne. Hein, et on va aller chercher où ? Dans des pays où on sait travailler la soie. Voilà. Donc on voulait revenir sur ce moment. Rappelez ça, hein, que la présence des immigrés, c'est une présence ouvrière. C'est ouvrier, voilà, français, immigré. La deuxième chose qu'on voulait rappeler, c'est la virgule où on n'a pas mis de virgule, mais c'est le tournant 68. Et, parce qu'en 68, mais pas l'année 68, hein, dans la période historique. Alors bon, il faut voir comment on la date, 1965, 1975, comme l'a fait Chris Marker dans Le fond de l'air est rouge, ou 1961, 1981, 82, voilà. Alors, il y a donc une période historique, c'est celle qu'on va visiter ce soir finalement. Hein. C'est cette période-là, mais également on voudrait aussi visiter la période qui a suivi. Hein, qui a suivi le retournement. Voilà. Je vais dire deux, trois mots sur nos intervenants. Je pense que vous les connaissez. Donc, Michèle Zincarini-Fournel, elle est professeure émérite d'histoire. Hein, et elle travaille sur la question du féminisme, sur les femmes, sur la question du genre. Et puis, vous avez travaillé sur cette période-là. Hein, je dis bien cette période. Hein, je crois qu'il faut retenir ça. Après ça, Jean-Paul Bentière, il est historien, mais vous n'avez pas commencé comme historien. Vous êtes devenu historien au fil du temps, je crois. Hein. Oui, non ? Depuis le début, d'accord. À ma retraite, j'ai fait une thèse sur l'union départementale CFDT de la Loire. Voilà. Donc, excusez-moi, j'avais cru que j'étais devenu historien au fil des engagements. Et puis, Mohamed Wadan, qui est parisien, hein, qui anime deux réseaux. Il anime un premier réseau, on l'a dit tout à l'heure rapidement, Abdelatif Chaouit l'a dit, il anime un réseau parisien sur la mémoire et l'histoire des immigrés. Et puis, il anime un interréseau. Hein, il y a le réseau TRACE, c'est plusieurs réseaux qui sont à travers la France, et le coordinateur de ce réseau, c'est Mohamed. Mohamed aussi a écrit des livres, écrit un livre, je crois, hein, sur la question du racisme en Europe, et puis il collabore à pas mal de revues, hein, et puis surtout, il est porteur de cette mémoire aujourd'hui au niveau des associations, et je sais que ce n'est pas une mince affaire, que c'est compliqué, surtout aujourd'hui, c'est assez compliqué. Alors, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va faire deux premières interventions, et il y a après ça des questions avec la salle. On a fait cette façon de faire parce que l'émission, enfin notre débat est enregistré par Radio Dio, et on s'est dit si on fait trois interventions pour les auditeurs, peut-être que ça va être compliqué. Voilà, deux, trois questions, et puis on reviendra sur une troisième intervention et un débat général. La première intervention, c'est Mohamed Ouadan qui va la faire. Et je lui ai demandé, quand on a discuté de cette soirée, je lui ai dit, pendant longtemps, on parlait de travailleurs immigrés, puis brusquement, on n'a plus parlé de travailleurs immigrés, on a parlé d'immigrés. Et donc, c'est une réflexion sur les catégorisations. C'est quoi un travailleur, c'est quoi un immigré, c'est quoi un travailleur immigré, c'est quoi, voilà. Hein. Donc, on vous propose de commencer par cette intervention-là, avec ça comme fil conducteur. Pourquoi, à un moment donné, et Stéphane Beau, dans un article du Monde diplomatique, rappelait que quand on a abandonné le terme travailleur, et quand on a disjoint le terme travailleur à immigré, comme par hasard, on arrive à un moment où le Front National émerge sur la scène politique, enfin émerge, il a toujours été présent, il fait plus qu'émerger, il devient une véritable force politique contraignante, travaillant, faisant de la politique, y compris marquant des points pour son camp. Donc voilà, donc ça c'est la première intervention. La deuxième intervention, donc dans la foulée en même temps, c'est Michel Zancarini-Fournel. Et là, on lui a demandé justement de visiter cette période, le tournant 68, hein, à travers des... Bon, je dirais, c'est le mise en contexte un peu des extraits de films qu'on a vus tout à l'heure. Et puis après ça, donc on viendra sur une autre intervention sur ce qu'on a vu aussi, un rapide extrait sur la lutte des travailleurs tunisiens sur Saint-Étienne en 1973. Mohamed, je te laisse la parole. Merci. Juste pour préciser qu'effectivement, j'ai la casquette de délégué général d'un réseau qui est le réseau Mémoire Histoire en Île-de-France. Je suis parisien et belvillois. Non, c'est pas grave. Et effectivement, le réseau Mémoire Histoire en Île-de-France, c'est 2010. Il vient bien après TRACE et il s'inscrit un peu dans la lignée des réseaux qui se mettent en place pour travailler sur revisiter l'histoire et la mémoire des migrations, mais pas que. Enfin, le réseau Mémoire Histoire en Île-de-France essaye d'articuler les problématiques du travail, donc avec une orientation très politique sur les luttes sociales, les mémoires, les luttes ouvrières et sur les questions urbaines. C'est très important. Pourquoi ? Parce que, effectivement, à l'instar de ce que fait TRACE et de ce que peut continuer à faire TRACE ou d'autres réseaux régionaux, articuler ces problématiques, c'est pas neutre. Hein. Enfin, les dissocier, saucissonner, effectivement, comme certaines institutions patrimoniales le font, l'histoire et la mémoire des migrations, c'est neutraliser politiquement l'objet. Donc, on est contre cette neutralisation. Hein. Je le dis d'emblée parce que on n'est pas très bien vu non plus avec cette casquette-là et avec cette démarche-là. Donc, tout travail de mémoire et d'histoire est un travail fondamentalement politique en même temps qu'il est scientifique, évidemment. Pourquoi donc... moi, j'ai accepté l'invitation et j'en remercie les organisateurs, les responsables de TRACE, parce que c'est important, effectivement, de se positionner, tout simplement. Et je suis très content d'être là. Moi, je vais être très synthétique parce que je n'ai pas de casquette, je ne suis pas expert, je ne suis pas historien, je suis juste responsable associatif. Mais il y a des choses qui, effectivement, sont très, très importantes. Je veux dire, quand on parle, quand on utilise des termes ou des notions, la vigilance, c'est de savoir de quoi on parle. Et effectivement, que ce soit la notion de travailleur immigré, d'immigré, voire de jeune issu de l'immigration, et je ne vais pas en dire, et je peux en citer plein d'autres, ces catégories, évidemment, ne sont pas neutres, même si certaines catégories peuvent apparaître plus positives ou plus constructives que d'autres. Alors, pour l'appellation travailleur immigré, on va comprendre pourquoi elle est plus positive que celle d'immigré assez rapidement. Faut savoir qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, ce que je vais vous communiquer, c'est une synthèse de choses que j'ai pu... un peu articulé dans différentes lectures. Donc, il faut savoir qu'avant la Seconde Guerre mondiale, pour qualifier les populations migrantes, on parlait surtout d'étrangers. C'est avec les 30 Glorieuses qu'on va désigner cette catégorie en tant que travailleurs immigrés. Les films qu'on a vus dressent une période entre les années 60 et 70 où vous avez remarqué qu'effectivement, on parle très peu d'immigrés, on parle plutôt de travailleurs. Même Bouygues parle de travailleurs étrangers. Il était complètement dominé par la terminologie, la sémantique dominante, enfin, communiste de l'époque. Donc lui aussi se fait avoir dans l'histoire. Il parle de travailleurs étrangers et travailleurs immigrés. C'est en fait à la fin des années 70, début des années 80, qu'on va voir apparaître une catégorisation un peu plus globalisante, pour ne pas dire généraliste ou simplificatrice, qui est celle d'immigrés. Ces évolutions terminologiques, bien sûr, sont révélatrices d'un rapport social entre les groupes et les classes sociales en présence. Alors, selon la définition du Haut Conseil à l'intégration, est immigré toute personne née étrangère à l'étranger et entrée en France en cette qualité en vue de s'établir sur le territoire français de façon durable. Point de suspension. Donc évidemment, quand on a cette définition, on se dit, bon, est-ce qu'elle est claire sur quelque chose ou pas? En tout cas, elle est claire en rien sur le statut et la réalité des situations économiques, sociales et culturelles des personnes concernées. De fait, il y a une confusion dans les débats qui perdure en fait depuis une cinquantaine d'années, et autour des notions d'immigrés, d'immigrants, et que cette confusion, elle est aussi à mettre en correspondance avec les notions qui vont être aussi des politiques publiques, les notions d'assimilation, d'insertion, d'intégration, et plus récemment les notions d'inclusion, qui, je le souligne tout de suite, sans fondement scientifique. Alors si ces différentes désignations se sont succédées dans le temps, en regard des transformations des rapports sociaux, elles restent toutes d'usage aujourd'hui. Hein. On peut parler de travailleurs immigrés, indifféremment aujourd'hui encore, d'immigrés, de migrants, et ainsi de suite. Quoi. Mais elles entretiennent de toute façon une confusion. La confusion idéologique est de mise et elle reste de mise aujourd'hui dans l'espace public, médiatique et politique en France. Alors, très rapidement, sur la figure du travailleur immigré, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France a recours évidemment massivement à la main-d'œuvre étrangère pour l'effort de reconstruction dans de nombreux secteurs d'activité, usines, mines, et ainsi de suite, et notamment aux côtés de la classe ouvrière. Alors, cette période-là des 30 Glorieuses, elle est caractérisée quand même par l'hégémonie idéologique et politique du Parti communiste français. Et pour le Parti communiste français, qui est un des partis les plus dominants, lui, il dit que pour lui, les étrangers sont d'abord des travailleurs, avant d'être étrangers. Et le terme « travailleur immigré » renvoie principalement à la réalité de la situation migratoire, qui est celle d'être immigré, et par-dessus tout, à l'appartenance à la classe ouvrière, travailleur. La question du travail est centrale. L'immigré est un travailleur dans les termes parce qu'il est également un travailleur dans les faits et donc dans les façons qu'a la société d'accueil de le percevoir. Donc, des travailleurs, cette figure du travailleur immigré prédomine en fait jusqu'à la fin des années 70, début des années 80. Au tournant des années 80, le travailleur immigré va devenir le voisin, le camarade de classe, le collègue immigré. La présence de cet immigré va cependant apparaître progressivement comme problématique parce que l'association quasi mécanique, effectivement, du terme immigration avec un ensemble de problèmes, des problèmes de type socio-économique, va faire une espèce, comme par opération magique, une espèce d'homonymie ou de synonymie avec l'emploi, le chômage, les problèmes de jeunes de banlieue, les problèmes d'éducation et ainsi de suite. Et cette articulation va prédominer dans le débat public et social en France et elle va avoir un très bel avenir. Autre figure, la figure de l'immigré ou du migrant. Cette figure donc, va apparaître. Bien sûr que Michel va reprendre parce que c'est approximatif ce que je raconte, mais c'est juste pour montrer un petit peu cette espèce de fil conducteur qu'il y a entre les appellations. Donc, suite au choc pétrolier du milieu des années 70, la crise économique structurelle s'installe, qui génère un bouleversement des rapports sociaux avec les premières vagues de licenciements massifs des travailleurs qui sont aussi bien immigrés que français. Parallèlement à l'arrêt de l'immigration de travail en 1974, se met en place la politique de regroupement familial. Mais cette politique de regroupement familial se met pas en... Enfin, le regroupement familial précède la politique, la mise en place de la politique de regroupement familial. Les familles arrivaient avant. Ça, c'est une... c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment. L'immigration est alors perçue ou vécue comme provisoire, transitoire, qui était perçue comme provisoire et transitoire, est désormais considérée comme une immigration d'installation durable dont il faut penser l'intégration. Et au tournant des années 80, donc exit la figure du travailleur immigré, dans un contexte politique aussi où on assiste à l'affaiblissement du Parti communiste français et des organisations syndicales qui soutiennent ces dix travailleurs. Les changements du cap politique et économique avec le tournant de la rigueur de 83, décidé par le PS au pouvoir, va aussi bouleverser profondément les représentations. Les luttes et les mobilisations sociales en faveur des travailleurs immigrés se transforment, c'est très important, se transforment en lutte pour les droits des minorités, avec l'apparition d'une nouvelle figure, donc l'immigré, le migrant. Pour la gauche au pouvoir, les immigrés ne sont donc plus des travailleurs qui pouvaient en tant que tels participer au combat commun pour l'émancipation et le changement de société, mais une minorité que l'on se doit de défendre en tant que minorité. Or, qu'est-ce qui se passe dans ce tour de passe-passe idéologique ? Il y a en fait un effet de culturalisation, ou pour reprendre les termes d'Amsel, une ethnicisation, qui ne dit pas son nom, du rapport social, qui évacue complètement le questionnement en termes politiques et sociopolitiques. Elle nourrit de fait la représentation négative de la menace culturelle que représenterait l'immigration non européenne. À l'œuvre dans les prises de position de la droite conservatrice, évidemment, et plus encore de l'extrême droite au début des années 80. La figure de l'immigré, du migrant, fantasmée à l'inverse positivement par une bien-pensance de gauche, en tant que figure de la diversité culturelle, dépolitise ainsi la question sociale, laissant libre cours au repli, et je ne partage pas le point de vue de Costil, identitaire à venir. Enfin bon, on est dans une construction sociale, pas sur un effet mécanique. Enfin bon, voilà. L'idéalisation par le culturel occulte donc la question du travail. Dans des sociétés littéralement minées par le chômage de masse, l'instabilité économique, l'absence de projets et de débouchés, notamment pour les jeunes. C'est bien le travail comme moyen de subsistance, mais aussi comme moyen d'épanouissement qui détermine les autres problèmes. Petite digression sur travailleurs immigrés et immigrés et problématiques de perception. Brigitte Fichet, sociologue, nous indique que, qu'il travaille ou non, l'immigré est perçu comme l'étranger venu s'installer en France. Mais l'ordre des représentations courantes varie selon la nationalité des étrangers. Un Anglais ou un Japonais un Anglais et un Japonais ont moins de chances de passer pour un immigré qu'un Tunisien ou un Martiniquais. Parce que le Martiniquais est perçu aussi comme un immigré de l'intérieur. Voire même les Français, ou immigrés tout simplement, ou les Français originaires d'outre-mer, qui sont aussi perçus comme des étrangers venus d'ailleurs. Alors comment qualifier alors cet ordre de perception ? Comment qualifier alors l'ordre de perception du mineur marocain et de l'ingénieur algérien ? Enfin, on brouille les cartes. Peu importe le statut, en fait, ou la condition sociale, ils sont tous deux immigrés. Que dire alors dans l'ordre des représentations de la personne qui n'a jamais connu la réalité de l'expérience de la migration ? Les enfants de ceux qui ont migré. Comme le souligne Brigitte Fichet, si le terme immigré n'est pas employé de façon descriptive, alors le signifiant immigré ne renvoie pas au signifié, au sens de qui accomplit une immigration dans notre espace, mais à un référent différent, celui qui n'est pas des nôtres. Ainsi se construit la distinction stigmatisante entre nous et les autres. L'immigré devient alors cet indésirable indépendamment de sa nationalité et transmet en héritage le stigmate à ses descendants, à ses descendances. Alors, venons-en aux enfants de ceux qui ont migré. Enfin, le stigmate, il est différent, il fonctionne, ou la catégorisation est différente. Abdelmalek Sayad parle d'illégitimité, je veux dire, concernant la première génération, et cette illégitimité, elle se continue en fait pour ceux qui viennent après, parce qu'il y a un effet d'essentialisation qui se perdure. En 83, pour revenir sur la marge de 83, des jeunes des classes populaires, des jeunes des classes populaires, catégorisés jeunes issus de l'immigration et ou français d'origine étrangère, sortent de leur cité, se mobilisent, se manifestent contre les violences racistes et meurtrières et pour l'égalité des droits, notamment à l'occasion de la marche pour l'égalité de 83. Or, il faut revenir juste un petit peu sur cette période-là, c'est-à-dire que si on revient sur la catégorisation et qu'on considère que ces jeunes sont issus d'eux, on va considérer pendant longtemps qu'ils sont issus, je ne sais pas d'où, quoi. Au lieu de considérer effectivement ou d'avoir une approche politique de la question de la mobilisation de ces jeunes, vous l'avez vu même dans les reportages, on est dans un processus de dépolitisation qui commence. Parce qu'on va ethniciser ces jeunes, on va les colorer, et on va, de manière dominante, et c'est aujourd'hui, c'est ce qui reste malgré tout, dans l'imaginaire collectif, on va les beuriser. C'est plus la marche pour l'égalité des droits, et même on a mis longtemps avant d'y revenir. Ça reste dans les mémoires et dans la mémoire collective la marche des beurs. Et les médias s'en sont donnés à cœur joie en 83, en 84 et en 85. Et ils s'en donnent à cœur joie 30 ans, voire 35 ans après, en continuant à désigner cette marche-là comme marche des beurs, au lieu de considérer la dimension politique de cette mobilisation de la jeunesse française issue des classes populaires. Cette partie importante de la jeunesse française, à l'instar des parents immigrés, est essentialisée en tant que figure fantasmée et permanente comme jeune d'origine immigrée. Bon, il y a d'autres appellations qui sont encore beaucoup plus barbares. C'est les issus de la diversité, hein, les jeunes issus de la diversité. Vraiment, on n'en finit pas. Signifiant ainsi leur impossible intégration. La référence donc à l'origine renvoie aux catégorisations culturelles et ou ethniques au détriment de toutes les autres références sociales, nationales, régionales, locales, professionnelles, précise le sociologue Chaïb Benaïssa. On assiste donc à une racialisation des dites catégories ainsi désignées, tout en les excluant de l'histoire commune. Ces catégorisations ne sont pas uniquement à l'œuvre dans les discours culturalistes de tous bords politiques et dans les médias, elles sont agissantes dans la plupart des politiques et des dispositifs publics qui vont se mettre en place en direction de ces dites minorités à partir des années 80. Alors, les politiques publiques en matière d'éducation, politique de la ville et plus récemment, politique de la diversité, en fait. Et on fait une petite exclusion sur toute la mobilisation qu'il y a eu ou tout le mouvement qu'il y a eu sur la lutte contre la discrimination, parce que la lutte contre la discrimination, on peut le considérer à part parce que c'est une mobilisation qui est beaucoup plus politique, parce qu'elle s'intéresse à l'égalité des droits et à la non-discrimination. Donc, on évacue très, très vite et on transforme cette lutte contre les discriminations dans les politiques publiques en politique de la diversité. Enfin, on peut y revenir. Donc, en réponse aux démons des origines, ces jeunes et leurs parents affirment tout autant leur enracinement dans la société française que leur appartenance culturelle, leurs autres identités, leur altérité. Le point de friction, c'est la non-reconnaissance de cette altérité, de ces altérités et leur démonisation progressive. Ces jeunes, validant la transmission et l'héritage de leurs parents, se réclament et se revendiquent également de culture et de confession musulmane. Or, pour certains, la référence à cette appartenance pose problème. L'islam, à ce moment-là, est-il compatible avec les valeurs, enfin, pour ne pas parler des valeurs chrétiennes, les valeurs de la laïcité et de la République ? Point d'interrogation. Donc, la culturalisation, en fait, atteint son paroxysme. On a vu les épisodes, là, effectivement, avec les grèves dans les usines. On le voit très peu, mais disons qu'il y a une médiatisation aussi dans ce sens-là, avec les grèves dans les usines de Citroën, Aulnay, Talbot-Poissy, entre 82 et 84. Ces grèves, au lieu d'être considérées comme un prolongement des luttes sociales et ouvrières menées à la fin des années 70 contre les licenciements de masse dans les secteurs clés de l'industrie, sont qualifiées de grèves saintes. Et on n'a qu'à se référer effectivement aux couvertures médiatiques de l'époque et aux discours politiques de l'époque pour s'en rendre compte. Sous prétexte de l'appartenance et des caractéristiques religieuses supposées ou réelles d'ouvriers en lutte pour le maintien de leur travail, à partir de là, le pas effectivement est vite franchi pour catégoriser cette frange de salariat ouvrier, de fondamentaliste ou d'islamiste. Ces grèves marquent ainsi les débuts de construction d'un nouveau Problème. Le problème musulman. Les catégorisations se modulent, elles aussi, au gré d'un nouveau paradigme idéologique. Les jeunes d'origine immigrée, entre guillemets, le jeune d'origine immigrée, entre guillemets, devient jeune musulman. Les revendications portées par ces jeunes, notamment pour l'égalité des droits, qui, elles, sont bien politiques, laissent place, en fait, à la méfiance à l'égard de l'accès à la citoyenneté de ces jeunes que les pouvoirs en place justifient par le souci de vérifier la citoyenneté réelle, le désir de vivre ensemble. Donc, pour terminer, et peut-être que j'aurai le temps plus tard dans le débat de revenir sur quelque chose qui est important, les catégorisations idéologiques jeunes d'origine immigrée, jeunes issus de l'immigration et celles de jeunes musulmans, fonctionnent par conséquent comme des assignations qui ont une réelle matérialité dans les rapports sociaux de domination. Elles façonnent et produisent un rapport imaginaire au réel. Et c'est là la fonction politique assurée par l'idéologie et les appareils idéologiques d'État décrits et analysés déjà par Althusser en 1976. Ces désignations consolident de manière permanente l'essentialisation faite des groupes et des personnes qui ont précédé. Elles donnent également une indication sur les désignations à l'œuvre et celles à venir. Costil. Bon, voilà. Sur Costil, peut-être qu'on y reviendra, parce que c'est un peu dur. Non, je pourrais effectivement après revenir sur tout un travail qui a été fait à la fin des années 90 par Alexis Speer sur, de l'étranger à l'immigré, la magie sociale d'une catégorie statistique, c'est-à-dire la collusion entre une partie du monde scientifique et le monde politique pour justifier et continuer à justifier la construction sociale de la catégorie d'immigrés. Alors, voilà. Versailles a marqué le commissaire assassin qui a tué Mohamed Diab, un Algérien, mais ouvrier. Marqué. Ouvre tes yeux dans ton verre. Regarde. Bien. Bien. Le sang de Diab est dedans. Oh, t'as pas honte? Tu bois le sang? Quelle barbarie! Marqué. Regarde derrière toi. Le sang de Diab te suit comme un serpent enragé. Fuis, il te suit. Cours, il te suit. Cache-toi derrière la porte de ta maison. Il te suit. Dors, il est dans ton lit. Oh, quelle barbarie. Tu dors sur le sang? Marqué. Tes mains sont sales. Sale de sang. Comment oses-tu embrasser les enfants avec, alors que tu as fait des enfants de diable, des orphelins, et dire que nous vous bouffons vos pains alors que vous nous donnez des cartouches à bouffer dans les reins? Comment oses-tu les tendre aux gens alors que tu as fait couler le sang de l'innocent qui était chez sa mère chercher la pitié que ta merde de société ne nous a jamais donnée, alors que le sigle de la liberté, de la fraternité et de l'égalité est accroché sur les façades des commissariats. Déchirez-moi ce sigle et jetez-moi cette Marianne par terre et écrivez plutôt: ici, on emprisonne les exilés. Ici, on encercle les réfugiés. Ici, on tue les immigrés avec des revolvers mitrailleurs et des pistolets. Oh, quelle liberté! On nous ferme la gueule quand on veut crier. Oh, quelle liberté! Les loups de là-bas nous ont vendus et les chacals d'ici veulent nous acheter. Nous ne sommes pas les oranges du Maroc. Nous ne sommes pas les sardines ou l'huile d'olive de la Tunisie. Nous ne sommes pas les pommes de Madrid. Nous ne sommes pas non plus le Porto de Portugal ou bien le vin de l'Algérie. Mais nous sommes des ouvriers, et des ouvriers sans frontières. Oh, quelle égalité! Nous sommes les surexploités. Oh, quelle fraternité! Mes chers frères amassés par dizaines sont assassinés. Vous êtes toujours sur le 895 de Dio, dans l'émission du Grémos. émission mensuelle consacrée en ce mois de novembre eh bien, à la Biennale Trace 2018. Le réseau Trace qui se déroule depuis le 5 novembre jusqu'au 30 novembre prochain sous la thématique « Monde en migration, histoire, mémoire, actualité des migrations en Auvergne-Rhône-Alpes, films, expos, débats, théâtre, conférences ». Une table ronde, un temps fort en région dans le département de la Loire à Saint-Étienne. C'était ce mercredi 14 novembre. En fin d'après-midi, début de soirée à la Cinémathèque de Saint-Étienne. Projection d'extraits de documentaires et table ronde autour de cette intitulée, de cette thématique proposée, les immigrés dans les luttes ouvrières, le tournant 68. Une conversation, des interventions qui vont se poursuivre après Mohamed Ouadane, délégué général du réseau Mémoire Histoire en Ile-de-France, qui intervenait peut-être sur l'aspect davantage définition, catégorisation. Nous allons retrouver Michèle Zancarini-Fournel, historienne de la région, qui eh bien, va proposer d'ici un instant son intervention, un propos introduit à nouveau par Bruno Guichard, président du réseau Trace. Michèle Zancarini-Fournel. Oui. On appelait son intervention le tournant 68. Voilà. Voilà, on m'a demandé de parler de ça. J'aurais envie de parler aussi de ce qui vient d'être dit, mais je le ferai peut-être dans le débat. Alors, on m'a demandé aussi de raccourcir. Donc, j'avais prévu en fait de vous lire un extrait du poème de Prévert, qu'on connaît en général sous le terme étranger, qui appartient au grand bal du printemps. Et je vous invite donc, on trouve le texte sur Internet facilement, je vous invite à le lire ou relire, parce que ça montre la diversité justement des immigrés. Le poème date de 1951, et donc ce n'est pas en 1968, ce dont je vais vous parler, qu'il y a cette diversité donc, que le poète célèbre donc, dans ce grand bal du printemps. Voilà. Alors, puisque je vais vous parler des années 68, du moment 68, que pour ma part, je situe de 1962 à 1981, bien qu'on puisse discuter de cette date finale en tout cas. Et 62, c'est quand même la fin de la guerre d'Algérie. C'est un mot qu'on n'a pas prononcé. Et sur la catégorisation, le fait justement de comment classer ces Algériens avant la guerre d'indépendance et après. C'est une question fondamentale et qui a été longtemps occultée. Alors, comme on est à la Cinémathèque, j'ai prévu de commencer à parler des migrants et des migrantes à travers le cinéma. À travers le cinéma, et vous présenter quelques films qui, dans la période, donc, ont donné une idée, justement, des parcours, ont donné une visibilité, puisque c'est ça, je vais centrer mon intervention là-dessus, la question de la visibilité des ouvriers, travailleurs immigrés et ES, encore qu'on ne voit pas souvent le E, c'est-à-dire les femmes immigrées, ni dans les films, ni dans les discours. Alors donc, ces parcours sont à la fois individuels, mais ils semblent incarner l'ensemble. J'en ai choisi quatre, hein, c'est peut-être un peu long. Mais voilà. Alors en 67, Au Salto de Christian de Challonge dresse en fait le portrait d'un jeune Portugais qui, sous la dictature de Salazar, gagne difficilement la France après avoir été victime de passeurs, mais aussi des policiers franquistes en Espagne et finit en France comme ouvrier du bâtiment. Cela nous rappelle, ce film, que les Portugais en 68 étaient les plus nombreux des travailleurs immigrés ou étrangers, venus pour certains clandestinement pour échapper aux services militaires et aux guerres coloniales en Afrique, mais aussi, et ça on le dit peu, des paysans pauvres venant chercher un revenu complémentaire pour leur famille. Deuxième film, 69, Élise ou la vraie vie, de Michel Drache, qui reprend le roman de Claire Etcherelli, prix Femina en 67, et qui retrace le parcours d'un Algérien, Areski, qui travaille à la chaîne chez Citroën et qui est partisan du FLN pendant la guerre d'Algérie. Ce film nous permet de faire la distinction entre immigrés et étrangers et pose la question des statistiques, qu'on n'évoquera pas ici, mais qui fait grand débat, avec, entre autres, après la nomination de Héran au Collège de France. Les Algériens sont français jusqu'en 62, hein, théoriquement. Donc, ils apparaissent dans les statistiques, ils n'apparaissent pas d'ailleurs, dans les statistiques pratiquement jusqu'à cette période. Ce parcours biographique est repris par la socio-historienne Laure Pitti, qui a fait une étude de groupe des ouvriers OS de l'automobile, des Algériens de Renault-Billancourt. Un ouvrier sur 10 est originaire d'Algérie en 1954, 1 sur 7 en 68. Elle souligne le lien entre l'engagement des nationalistes algériens pendant la guerre d'indépendance et leur militantisme dans les années 68, établissant ainsi une véritable généalogie militante, en opposition parfois avec la culture des syndicats de l'usine, masculine, productiviste, en particulier la CGT d'alors. En 70, Soleil haut de Med Hondo, réalisateur français d'origine mauritanienne, né en 36, dénonce l'exploitation des Noirs en faisant le lien entre Afrique et Antilles. L'acteur principal est antillais et le titre du film est celui d'un chant antillais à propos d'un esclave emmené du Dahomey aux Antilles. Le même réalise en 73 un film au titre explicite « Les bicots nègres, nos voisins ». Il contredit ainsi une affirmation selon laquelle la question noire a été posée en France en 1998 seulement. Oui, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. En 1975, Sidney Sokoda retrace dans Nationalité immigrée l'histoire de Sidi, joué par le réalisateur, qui est tiré de sa propre histoire, puisqu'il a vécu 6 ans dans le foyer qu'il filme, venu de Mauritanie, avec la Caisse de solidarité des Soninkés, et retraçant la grève des loyers d'un groupe de 300 travailleurs du foyer Riquet dans le 20e arrondissement de Paris, et qui ne veulent pas être séparés. Donc ils font grève des loyers, ils ne veulent pas être séparés. Ce ne sont là que quelques exemples, mais à cette date, c'est le cinéma qui a le mieux retracé les parcours des migrantes et des migrants. Le cinéma montre donc à la fois les conditions de vie et de travail des populations immigrées, les luttes des militants dans l'usine, dans les foyers et pour les papiers. Alors, je vais voir d'abord ce qui s'est passé en mai-juin 68 et après 68. Alors, en mai-juin 68... Les travailleurs immigrés paraissent absents à première vue des événements de mai-juin 68. Ils ne sont ni représentés, ni même évoqués aux négociations de Grenelle entre le 24 et le 27 mai, associant patronat et organisations syndicales sous l'égide du Premier ministre Georges Pompidou. Les immigrés paraissent invisibles, inaudibles, même s'ils constituent 15% de la main-d'œuvre industrielle. Certains ne participent pas au mouvement, ou s'y montrent carrément hostiles, comme à Renaud Flin, où ils se liguent pour certains avec la maîtrise contre des grévistes. Ou encore retournent dans leur pays. C'est le cas, par exemple, de nombreux Portugais. Et si on prend les chiffres des Portugais entre 67-68 et après, on s'aperçoit qu'il y a une baisse très importante du nombre de Portugais en France. D'autres, au contraire, se montrent très actifs dans la continuité d'engagements précédents, ce dont, comme le souligne avec emphase le journal des comités d'action, qui s'appelle Action, en mai 68, je vais citer, « Les éléments les plus conscients de la classe ouvrière, des pays d'origine, qui ont dû s'expatrier pour des raisons politiques, espagnols chassés par Franco, algériens qui ont lutté pour l'indépendance pendant la guerre d'Algérie et qui n'ont pu regagner leur pays, portugais qui, depuis 42 ans, sont obligés de fuir la dictature et que sont venus renforcer depuis 61 les jeunes portugais qui refusent de participer à la guerre coloniale menée par Salazar. » Donc, dans cet extrait que je vous ai cité, il n'y a que les militants, si vous voulez. Il n'y a que les militants politiques. On ne voit pas les gens qui sont venus pour des raisons économiques. Et on ne voit que les militants. Alors que je crois que si on veut parler des travailleurs immigrés dans la période, il faut voir l'ensemble, c'est-à-dire il faut voir l'ensemble de la population et pas seulement les militants. Mais ce sont peut-être ces gens-là qui ont été à l'origine d'un texte qui a fait beaucoup parler et écrire les sociologues et les historiens. C'est la plateforme des ouvriers immigrés de Renaud Billancourt qui s'intitule « Comité de grève intersyndicale des immigrés ». Ce texte, on l'a d'abord connu par bribes, et il a fallu longtemps pour retrouver la version complète qu'on a finalement retrouvée dans les archives d'un sociologue, Claude Durand, à la BDIC. Alors, je vais vous lire, je ne peux pas tout vous lire, mais je vais vous lire simplement quelques lignes, et puis la signature. Et ce texte avait probablement, donc c'est une hypothèse, était écrit pour préparer les négociations de Grenelle parce que ces ouvriers immigrés de Renault pensaient sans doute pouvoir être présents dans ces discussions à Grenelle. Je signale que celui qui l'historien qui l'a retrouvé dans les archives du sociologue, c'est Xavier Minia. Hein, je lui emprunte ça. Je n'ai pas mis des notes de bas de page, mais enfin, voilà, j'emprunte un certain nombre de gens. Alors, je vous le lis. Les travailleurs immigrés de la régie Renault, en lutte aux côtés de leurs camarades français, réaffirment une fois de plus qu'ils sont partie intégrante de la classe ouvrière française. Ils ne sont pas seulement solidaires, mais ils sont partie prenante dans le combat que mènent les travailleurs français pour la satisfaction de leurs justes revendications générales et particulières. Nous appelons les organisations syndicales à s'opposer aux manœuvres de la direction et du patronat en défendant résolument les revendications particulières à l'immigration, à savoir suppression des contrats provisoires, non-discrimination dans la promotion sociale et dans l'emploi, aucune restriction dans l'exercice des responsabilités syndicales dans les organismes sociaux, une juste attribution du logement, l'attribution de la carte de travail sur le lieu d'embauche. Bon, je vais m'arrêter ici, mais il y a le texte complet. Et c'est signé. Vive la lutte de classe, vive l'internationalisme prolétarien, vive la lutte des travailleurs NUR, c'est-à-dire la régie Renault. Ces revendications sont défendues par les syndicats CFDT et FO qui ont donné leur accord. Voilà. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de discussion à Grenelle sur cette plateforme et sur ces revendications. On peut noter que dans les arrestations qui ont eu lieu au mois de juin après les dernières manifestations, il y a un nombre non négligeable d'étrangers qui ont été renvoyés dans leur pays. Alors, c'est surtout dans l'après-68, donc les luttes de l'après-68, qu'apparaît donc une parole publique des immigrés qui s'exprime à la fois dans les quartiers, les foyers, les églises où se déroulent les grèves de la faim qu'on a vues, hein, et qui est parfois relayée par des intellectuels et des associations dont un certain nombre sont chrétiennes. Le terrain se déplace des revendications à propos du logement, se déplace dans l'entreprise et au combat contre les discriminations et pour les droits, valeurs dans lesquelles se reconnaît une partie de la gauche française. Dans le post-68, l'immigration apparaît donc progressivement comme un problème politique et un enjeu. L'activité de groupes d'immigrés qui s'auto-organisent, d'associations de solidarité, comme la FASTI, Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés, créée en 1966 et qui regroupe 156 associations, des organisations d'extrême-gauche, mais aussi de nombreuses études de sciences sociales, sociologues, contribuent à la visibilité de l'immigration et à la politisation du débat dans l'après-68. Premier problème évoqué a été celui du logement. La question des bidonvilles était apparue publiquement dans la presse en 1964, ce qui avait provoqué un débat à l'Assemblée nationale et l'adoption d'une loi sur leur absorption. Des rencontres avaient eu lieu avant 68, avec des comités d'action étudiants, par exemple à Nanterre et à Marseille, avec parfois aussi des ambiguïtés, on peut dire. Et voilà, on pourra en reparler dans le débat. Avec des habitants donc de bidonvilles proches des facultés. Au cours de l'année 69, au problème des conditions de vie dans les bidonvilles, s'ajoute la grève des loyers des foyers vétustes et surpeuplés, occupés surtout par des Africains, à Ivry et à Saint-Denis. Ce qui fait tout de suite ce qui apparaît sur la scène publique, c'est après la mort de 5 travailleurs immigrés dans un foyer d'Aubervilliers, c'est une des premières manifestations de soutien en janvier 70 avec l'occupation temporaire des locaux du CNPF, qui était le Centre national du patronat français, l'ancêtre du MEDEF. Organisé donc par le groupe d'extrême-gauche Vive la Révolution pour accuser donc les véritables coupables, les patrons français. Le lien entre la question du logement et l'entreprise est aussi posé publiquement lors de la grève des ouvriers arabes d'Oyonnax dans l'Ain en octobre 71. Je ne sais pas si j'en parle parce que vous allez ici. Alors, la ville est le centre de fabrication du plastique avec une multitude de petites et moyennes entreprises, 700, dont 300 ont moins de 50 ouvriers qui emploient 6500 ouvriers immigrés. D'où la difficulté pour ceux-ci de réaliser une unité d'action fondée sur autre chose que la langue commune. Le 8 octobre 71, 400 ouvriers algériens, soutenus par la CFDT, entament une grève qui dure 4 jours, après que le directeur du foyer ait décidé de doubler le nombre de lits par chambre, passant de 3 à 6 lits. Les Français, techniciens ou règleurs, n'ont pas bougé. Les OS, espagnols et portugais, avec leur carte de résident temporaire, se sentent moins protégés, que les ouvriers algériens qui, eux, ont une carte dite de résident privilégié. Donc, une difficulté, en fait, à faire l'union. Et les Algériens sont relativement isolés. Ils obtiennent satisfaction pour le foyer, mais 8 d'entre eux sont licenciés. Cette division par nationalité inquiète la CFDT, qui lance une campagne nationale pour les mêmes droits pour tous, sans distinction de nationalité. On voit déjà ce débat là qui apparaît. Le conflit de Peñarroya, on en a vu des images là. En mars 72, a été mené pendant 33 jours à Lyon par 105 OS algériens et marocains, et il devient le symbole de l'acuité de ces problèmes d'immigration. Une série de rapports de l'inspecteur du travail avait déjà attiré l'attention de la direction et de la société. Donc, sur la société minière et métallurgique de Peñarroya, installée à Gerland, à Lyon, sur les dangers du saturnisme et l'état déplorable des baraques dans lesquelles étaient logés les ouvriers, on les a vus. Pas d'installation sanitaire, pas de porte au WC, douche sale, en nombre insuffisant, et répartie selon que les ouvriers soient européens ou immigrés. Pour le détail, non, je n'ai pas le temps. Enfin, le nombre de douches est tout à fait différent. L'absence de réaction de la direction avait conduit l'inspection du travail à plusieurs mises en demeure pour respecter la législation sur l'hygiène et la sécurité. À la suite d'un accident mortel du travail survenu le 19 décembre 1971 à cause d'un appareillage défectueux, signalé par les rapports de l'inspection du travail, les ouvriers immigrés déposent un cahier de revendications, puis un autre en janvier. Avant même le début de la grève, se constitue un comité de soutien. Et je crois que ça, c'est une des caractéristiques de l'époque. Un comité de soutien auquel participent des médecins et des juristes. Par ailleurs, avec l'aide des cahiers de mai, et j'ai trouvé tous ces détails dans les archives des cahiers de mai, les cahiers de mai, les grévistes envoient aux autres usines de Peñarroya des cassettes et des lettres ouvertes où sont exposées leurs revendications. À Lyon, le deuxième jour de la grève, des paysans du CNJA Rhône-Alpes. On les a vus là sur des images. Je ne sais pas si vous avez vu dans une des grèves aussi à Saint-Étienne. Donc les CNJA Rhône-Alpes viennent apporter du ravitaillement. Une section CFDT est créée qui accepte les pratiques collectives qui ont été décidées par les OS, c'est-à-dire décision d'assemblée générale, élection des délégués, atelier par atelier. Un film est tourné sur la grève, donc il y a des extraits là. Des collectes sont réalisées un peu partout en France. À la fin de la grève, le 11 mars, presque toutes les revendications sont satisfaites, sauf une, celle de l'augmentation des salaires égale pour tous dans les usines du groupe. Au printemps 73, au printemps 73 à Renault, Billancourt, donc les OS ouvriers migrés des presses font grève en revendiquant le P1F pour tous, reprenant ainsi l'idée de l'égalité salariale dans le collectif de travail de l'atelier. En effet, cette catégorie donc de P1F qui avait tout de suite été détournée en PIF. Créé après la grève des OS de Renault en 71, est une catégorie intermédiaire entre les OS et les OP. Voilà. Alors, ces grèves d'ouvriers sont popularisées par des collectifs militants et par la CFDT. Elles ont contribué, avec les grèves de la faim pour les cartes de travail, à poser devant l'opinion publique la question de l'immigration avant que la crise économique ne la rende encore plus perceptible. Elles ont conduit à interroger les choix économiques et sociaux pendant la période dite des Trente Glorieuses, notamment sur les conséquences de l'emploi d'une main-d'œuvre abondante et mal payée. La multiplication des conflits des OS, et pas seulement immigrés, a provoqué une réflexion sur l'organisation et la recomposition du travail et sur le devenir du fordisme. Compte tenu du désordre introduit dans l'ordre productif par ces conflits, certains experts et décideurs ont envisagé un réexamen des coûts relatifs de la main-d'œuvre et des investissements. Le développement de la robotisation des usines automobiles en découle partiellement. Et là, il y a un livre qui vient de paraître de Grégoire Chamaillou, que je vous recommande, sur justement quelle était la politique des différents entrepreneurs par rapport à cette organisation. Alors, une des premières paroles publiques qui ont introduit une politisation dans les milieux de l'immigration, je vais passer, mais c'est ce sont les comités de soutien à la révolution palestinienne qui se sont transformés ensuite en comités donc, de lutte contre le racisme, qui ont associé des militants arabes, français et aussi des intellectuels. Et c'est ainsi que Claude Mauriac raconte dans son journal comment il a pénétré pour la première fois de sa vie en compagnie de Michel Foucault dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris, espace central immigré et lieu de mémoire aussi de l'immigration. Alors, c'est ces circulaires Marcelin Fontanet qu'on a évoqués, qui sont appliqués à partir de septembre 1972, enclenchent un mouvement pour l'obtention de la carte de travail et des grèves de la faim, donc sur lequel je ne vais pas m'apesantir puisqu'on va en reparler pour Saint-Étienne. Politisation aussi par le mouvement des travailleurs arabes qui est créé en 1972 par certains intellectuels et ouvriers des ex-comités Palestine à Marseille et à Paris et qui interviennent en provoquant une grève qui est relativement suivie en septembre 1973. Après 1976, avec l'effacement des organisations d'extrême-gauche et la répression mise en œuvre sous la forme des expulsions, l'intervention des militants immigrés contre le racisme et les discours xénophobes glisse du social et du politique au culturel. D'autres certains s'orientent vers le théâtre, telle l'association El Asifa, par exemple, qui s'adonne au théâtre de rue. D'autres s'orientent vers la presse et fondent le journal Sans Frontières. On a parlé de ces professionnels du militantisme immigré qui passent ainsi d'une revendication politique à la promotion de la culture immigrée. On pourra aussi en discuter. On a parlé tout à l'heure du regroupement familial, donc je vais passer. Et je vais terminer donc sur la période avec la question de la régularisation des travailleurs immigrés clandestins et de l'obtention des papiers. En effet, elle est posée dans des termes nouveaux au printemps 80. Les travailleurs clandestins de la confection, dans le quartier parisien du Sentier, mènent avec succès une longue bataille pour obtenir leur régularisation. Cette action a été déclenchée par un collectif de Turcs, animé par des militants de l'extrême-gauche turque, ayant de solides convictions sur le rôle dirigeant du prolétariat. La CGT, consultée la première, refuse de soutenir les clandestins, d'autant qu'elle avançait alors le mot d'ordre, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec l'intervenant précédent, en 1979, le Parti communiste et la CGT ne défendent pas les immigrés. Leur mot d'ordre, c'est « produisons français ». Et donc là, ils refusent de soutenir le mouvement. La direction de la CFDT de la région parisienne accepte, probablement parce qu'elle était animée par des militants un peu atypiques par rapport à la Confédération. De cette rencontre naît une façon originale de poser le problème. La proposition de régulariser des travailleurs et non des individus, proposition qui repose sur la conviction que le travail clandestin répond aux offres de travail et aux intérêts des patrons de la branche. La revendication avancée est donc la régularisation de tous ceux qui ont un emploi, officialisé par des promesses d'embauche et des contrats de travail. Elle est élargie à tous les travailleurs de la confection, turcs ou non. C'est un bouleversement complet dans l'emploi, dans ce secteur de travail. Manifestations, occupations massives d'ateliers relaient rapidement les grèves de la faim de quelques militants. Le secrétaire d'État Lionel Stoléru accepte de régulariser les travailleurs de la confection sur la base de cette revendication, qui s'explique pour une bonne part par l'association d'un groupe immigré très soudé et d'une structure syndicale française. Il est l'aboutissement provisoire de la longue campagne pour les papiers lancée par les grèves de la faim en 1973. Les actions contestataires du début de la décennie ont souvent perpétué la segmentation de la population immigrée en fonction de l'origine. Travailleurs arabes, travailleurs originaires des pays de l'Afrique noire, travailleurs turcs, etc. On est loin ici de la plateforme des ouvriers immigrés sans distinction de nationalité, adoptée en mai 68 à Renault-Billancourt. Seule l'action commune avec des organisations et des militants français a permis parfois de dépasser provisoirement la construction identitaire de l'immigration. Lors de l'alternance politique de 81, la régularisation temporaire mais sans condition de tous les clandestins remet en question ce déplacement. Désormais, l'immigration et la figure du clandestin, devenu le sans-papier en 1996, ne quittent guère la centralité du débat politique. Yeah. Algérien, Algérien. Algérien, Algérien, il travaille beaucoup, il mange rien. Algérien, Algérien, il travaille beaucoup, le pauvre, il mange rien. Allez, allez, adieu la France. Allez, adieu la France. Mon bonjour aux hommes bien, yeah, yeah, yeah. Mon bonjour aux hommes bien, yeah, yeah, yeah. Je fais mon déménagement, la vie de l'immigré triste. Du travail a plus tellement, il y a beaucoup de racistes. Je fais mon déménagement, la vie de l'immigré triste. Du travail a plus tellement, il y a beaucoup de racistes. Le temps que je vis à Paris, toujours je ne possède rien. En Algérie où ça commence à aller très bien. 20 ans que je vis à Paris, toujours je ne possède rien. Je retourne en Algérie, ça commence à aller très bien. Bientôt je vous fais un pari, on sera mieux que l'Irica. L'Algérie en Algérie, je fais mon déménagement. La vie de l'immigré est triste. Du travail a plus tellement, il y a beaucoup de racistes. L'Algérie c'est tout nouveau, pays de ma nouvelle chance. On ne dira jamais bico, comme souvent l'a fait en France. L'Algérie c'est tout nouveau, pays de ma nouvelle chance. On ne dira jamais bico, comme souvent on l'a fait en France. Même s'il n'y a pas ce qu'il faut, j'aurai de la patience. En Algérie, en Algérie, je fais mon déménagement. La vie de l'immigré est triste. Du travail a plus tellement, il y a beaucoup de racistes. On me dira jamais Bounioul, va t'en retourner chez toi. Cousin de Ben Saoud le roi. On me dira jamais Bounioul, va t'en retourner chez toi. Tu es la ruine, le pétrole, cousin de Ben Saoud le roi. Les racistes c'est des maboules, loin de tranquille chez moi. En Algérie, en Algérie, je fais mon déménagement. La vie de l'immigré est triste. Du travail a plus tellement, il y a beaucoup de racistes. Adieu la France, mon bonjour aux hommes bien. Je vous rends ma résidence, car d'immigré algérien. Allez va, adieu la France, mon bonjour aux hommes bien. Je vous rends ma résidence, car d'immigré algérien. Mon cœur est plein d'espérance de vivre aux côtés des miens. En Algérie, en Algérie, je fais mon déménagement. La vie de l'immigré est triste. Du travail a plus tellement, il y a beaucoup de racistes. Je fais mon déménagement. La vie de l'immigré est triste. Du travail a plus tellement, il y a beaucoup de racistes. Les immigrés dans les luttes ouvrières, le tournant 68 était le rendez-vous en temps ronde, projection d'extraits de documentaires de ce 14 novembre à Saint-Étienne à la Cinémathèque, dans le cadre de Trace, la Biennale 2018, qui se prolonge jusqu'à la fin de ce mois de novembre, jusqu'au 30 précisément, une biennale sous la thématique Monde en migration. Les immigrés dans les luttes ouvrières, le tournant 68, est aussi l'objet de cette émission du jour, émission mensuelle proposée en partenariat avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, qui vous propose eh bien, une petite restitution, report, retour sonore de la table ronde qui était proposée. Alors après ces deux interventions de Michel Zangaridi Fournel à l'instant, puis de Mohamed Ouadan en première partie, je vous propose simplement de terminer cette émission, toute dernière ligne droite, avec intervention beaucoup plus courte, avec simplement une série de quelques questions qui intervenaient à l'issue de ces deux premières interventions hier. Donc Mohamed Ouadan toujours, Michel Zangaridi Fournel et Bruno Guichard, président de Trace, pour mener aussi et animer les échanges. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être comme respiration, deux, trois questions. Hein. C'est, voilà, on vous propose ça comme des questions ou des interventions. Hein. C'est pas... Bonsoir. Vous avez souligné à plusieurs reprises, enfin Michel Zangaridi en particulier, le rôle des chrétiens dans les luttes dans les années 60, des années 70. C'est vrai que, voilà, au-delà de l'engagement individuel, il y avait un certain nombre d'organisations catholiques ou protestantes qui étaient aussi très actives et qui descendent un petit peu l'aspect purement politique de la lutte. J'aurais voulu en savoir un petit peu plus par rapport à cet aspect, à mon avis, assez peu étudié. Oui, alors la question est compliquée, mais effectivement, ne serait-ce que, alors j'ai passé un peu vite parce que voilà, mais lors des grèves de la faim, il y a eu un large appui de toutes les organisations chrétiennes, paroissiales et autres, en particulier pour les locaux, tout simplement, proposer des locaux dans lesquels la police intervient plus difficilement. Enfin, après, elle va le montrer qu'elle sait intervenir dans les églises, mais ça, c'est un peu plus tard. Hein. Et donc, je crois que voilà, c'est une des façons. L'autre chose à prendre en considération aussi, c'est qu'on est dans un moment tout à fait particulier sur l'histoire des chrétiens, hein, et en particulier de l'Église catholique, et qu'il y a toute une partie des militants déçus par... par le retournement, on peut dire, de l'Église après Vatican II, qui reste chrétien, mais qui s'éloigne des institutions, on peut dire, ecclésiales, et qui milite dans d'autres... Il y a une multi-appartenance politique, si vous voulez, et religieuse. Et donc, je crois que, de ce point de vue-là, il y a ça. Et puis, la CFDT, qui, certes, c'était déconfessionnalisée, mais là, j'ai un spécialiste à côté, donc je ne voudrais pas intervenir sur son terrain, qui s'est, certes, déconfessionnalisée, mais qui reste quand même assez... disons, avec des tendances, on peut dire, chrétiennes fortes. Et les protestants ont... alors, c'est pour ça que j'ai dit chrétienne et pas catholique, hein, parce que les protestants ont été, on peut dire, aussi très, très présents dans cette... Alors, avec une différence... Il y a une différence, si vous voulez, de point de vue entre, justement, ces chrétiens, ces militants chrétiens, et puis les organisations politiques, par exemple... d'extrême gauche ou de gauche ou d'extrême gauche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le même point de vue par rapport à l'étranger, à l'immigré, etc. Mais il faut dire aussi que ce sont quand même ces organisations chrétiennes qui ont tenu beaucoup plus longtemps que d'autres. Une autre question, remarque. Juste pour revenir un petit peu sur les documents vidéo, sur les films là, qu'on a vus. Et avant d'aborder peut-être tout à l'heure les questions plus locales, sur deux réactions notamment sur la marche de 83, et je suis d'accord pour effectivement penser que, enfin, en ce qui concerne la réaction de Costil sur le fait que quelque part, après 83, il y a eu un raté, c'est celle, qui tourne autour de la question de la démocratie associative. Hein. Donc le mouvement de l'après 83 n'a pas su se saisir et faire fructifier un petit peu ce mouvement-là. Mais je pense que Salia Amara, à un moment donné, elle le dit bien. Et en germe, bon, il y avait quand même des points de vue différents et une situation conflictuelle. Alors c'est vrai que le mouvement associatif en tant que tel, sans doute, il n'a pas perduré. Il s'est dispersé, s'est éclaté. Ceci dit, les militants en eux-mêmes, souvent, continuent à se voir à Salia Amara. Toutes les années, on se voit, elle vient sur Saint-Étienne, parce qu'il y a des liens qui sont anciens. Donc, hein. Voilà. Et puis, je voulais réagir aussi sur le document sur Citroën. À un moment donné, donc, on voit Krasuki, un imam. Or, c'est vrai qu'à ces époques-là, je n'ai pas de souvenir qu'il y ait des revendications liées spécialement à l'islam. C'était, voilà. Bon, c'est simplement une petite remarque. Un premier élément de réponse, Mohamed, sur la... Non, sur la marche, évidemment. J'ai participé activement à un collectif qui s'est mis en place 30 ans après, qui a réuni plus de 130 structures, dont des mouvements et des mouvances politiques. Et effectivement, le bilan est accablant, quoi. Ce que dit Salira, c'est très juste. Il y a une espèce, il y a des empoignades idéologiques et politiques, enfin aussi, je veux dire, parce qu'il y a des parcours, il y a des sensibilités, des trajectoires qui sont complètement différentes. Il y a aussi des enjeux individualistes de pouvoir, comme dans n'importe quelle structuration, mobilisation ou mouvement. Il y a des prises de pouvoir, il y a des écartements, des mises à l'écart, il y a des marginalisations qui ont fait énormément de tort à quelque chose qui pouvait prendre en fait une dimension politique forte. Et il y a eu un hold-up très dès le début, avant et après, juste après, du pouvoir politique en place sur cette mobilisation qui pouvait se structurer politiquement. C'est l'analyse qu'on fait par exemple Abdelali Ajat, qui a publié un bouquin il y a quelques années sur la marche pour l'égalité des droits et qui revient sur cette période-là. C'est l'analyse qu'on en fait aujourd'hui de manière dominante, quoi. Enfin, pas simplement d'un point de vue scientifique de l'histoire, mais aussi au niveau du recul que peuvent avoir pris certains militants associatifs qui ont participé à ces marches-là. Michel, un complément. Oui, un complément sur la marche et puis sur les grèves, sur l'islam et les grèves ouvrières. Sur la marche, je crois qu'il y a deux choses. Il y a le fait que la manifestation a été immense. Être reçu à l'Élysée symboliquement, c'était extrêmement fort. Et puis après, les jeunes sont revenus dans leur cité et ça n'a pas beaucoup bougé. Ça n'a pas beaucoup bougé. Là, il y a eu un sentiment de... Ben voilà, de problème, en fait, un peu d'abandon, de désespoir. La deuxième chose, quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a eu une récupération politique, en particulier avec l'opération SOS Racisme, et où il y a eu un transfert, justement, d'abord du mot « marche pour l'égalité contre le racisme » à « marche des beurs », et ensuite « touche pas à mon pote », et le pote avait disparu, si je peux dire, et ses revendications particulières. Voilà. Et donc ça, ça a été aussi... Et par exemple, je vous donne un tout petit exemple, c'est que les fameux concerts organisés avec beaucoup d'argent de SOS Racisme, entre autres à Paris, les concerts politiques de cet ordre-là avaient eu lieu avant dans la région lyonnaise. Ils étaient faits par un groupe de amas de banlieue, entre autres, qui avaient organisé, et d'autres, à Givors, par exemple, qui avaient organisé ces concerts qui étaient à la fois politiques et... Voilà. Et donc, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des répertoires d'action, on peut dire, qui ont existé avant et qui ont été complètement oubliés. Hein, et c'est voilà, c'est le rôle aussi des historiens de le faire ressortir. Et sur la, je peux dire quand même, oui, sur les grèves qu'on a, alors grève sainte, c'est le nom d'un article qui a été fait par Vincent Gay, qui a beaucoup travaillé sur ces grèves. Et je parle sous le contrôle de la lecture que j'ai faite de son travail, de ces nombreux articles, c'est qu'en fait, il y a eu là, pour le coup, un détournement aussi politique qui a été fait par le gouvernement socialiste, c'est entre autres Mauroy et Defferre, qui ont accusé ces ouvriers d'avoir fait des grèves religieuses, alors que c'était qu'il y avait effectivement, qu'il y avait certains ouvriers qui faisaient leurs prières. Ils étaient sur le parking de l'usine, qui faisaient leurs prières à des moments précis sur le parking de l'usine, mais à aucun moment, c'était des grèves religieuses. Elles ont été accusées après de grève religieuse. Et on a découvert à ce moment-là qu'il y avait effectivement une question de la question de la religion dans l'usine. Ce qui fait un peu sourire, entre guillemets, les historiens, historiennes, puisque dans les usines qu'on évoquait tout à l'heure à Jugerieux, il y avait quand même un hôtel et on faisait les chants à Marie. Donc on n'a pas découvert la religion dans les usines avec les travailleurs de Citroën. Voilà pour ces quelques échanges, questions-réponses sur cette première partie, je vous le disais, de retour concernant cette table ronde qui se tenait ce 14 novembre, les immigrés dans les luttes ouvrières, le tournant 68, Mohamed Ouadan, Michel Zangarini-Fournel. Nous vous proposerons de revenir sur la troisième intervention, celle de Jean-Paul Bentière du Grémos précisément, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire, les mémoires du monde ouvrier stéphanois, qui intervenait sur cette grève de la faim des travailleurs tunisiens en 73. Mais comme nous avions déjà réalisé une émission que vous aviez peut-être suivie sur cette question et que nous aurons l'occasion de retrouver tout au long de cette saison le Grémos, nous avons préféré pour ce premier retour privilégier finalement aussi les intervenants extérieurs. Cette rencontre, table ronde se poursuivait encore hier soir avec d'autres projections et celle notamment concernant un réalisateur local et stéphanois, Daman Bouaziz, qui proposait son film Le mouvement des travailleurs arabes ou Mémoire de lutte immigrée. Voilà pour Trace 2018 et cette rencontre stéphanoise. Je crois que le réseau Histoire-Mémoire des immigrations, des migrations dans la région, dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement remplit sa pleine mission d'interroger les traces de ces migrations, de ces émigrations, immigrations sur notre territoire. Celle qui, voilà, comme lors de cette table ronde, relate, marque ou ont marqué le passé, mais celles aussi, et c'est important aussi de revenir parfois sur le passé pour voir aussi celles qui peuvent dessiner aussi l'avenir ou se dessiner dans l'avenir. Voilà, une rencontre régionale, départementale, stéphanoise hier, puisque des grandes journées comme ça sont construites par une multitude d'acteurs du réseau Trace. C'était le cas hier à Saint-Étienne, mais c'est le cas encore très prochainement avec une autre rencontre régionale et journée de travail qui va associer d'autres chercheurs, artistes, mais également autres bénévoles associatifs. Ça se déroulera ce 16 novembre, cette fin de semaine, à Porte-les-Valence, sur une thématique particulière, témoigner de l'expérience, des mémoires et des héritages des migrations. Voilà, ça se tient donc à Porte-les-Valence ce 16 novembre en journée, c'est une journée de travail à partir de 9h30 jusqu'à 18h. Ça va se dérouler au centre du patrimoine arménien, 14 rue Louis Gallet à Valence, voilà, dans la Drôme voisine. À Valence, précisément, autre temps fort de cette Biennale Trace à suivre et à retrouver, c'est l'exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme », une exposition qui est visible d'une part précisément sur ce centre du patrimoine arménien à Valence. Elle est visible jusqu'au 24 mars prochain, donc n'hésitez pas à vous rendre sur cette exposition qui apparemment est très réussie, qui a été conçue et réalisée par le Muséum National d'Histoire Naturelle du Musée de l'Homme, donc, qui est en partie visible également sur Villeurbanne, à la Maison du Livre, de l'Image et du Son, et qui est vraiment en intégralité du côté de Valence, donc jusqu'au 24 mars prochain. Vous avez tout la programmation, l'ensemble, l'intégralité de cette programmation via la toile trace-migration, le tout en minuscule au pluriel, .org, trace-migration.org, et on voulait simplement vous rappeler quelques rendez-vous stéphanois, parce que les temps forts aussi de cette Biennale Trace se déroulent sur Saint-Étienne, ou en région, ou en périphérie, en cette mi-novembre. Nous voulions vous rappeler tout d'abord la projection du film « L'autre côté de l'espoir » d'Aki Korismaki, qui sera proposé ce vendredi 16 novembre à 18h30 à la Cinémathèque de Saint-Étienne, toujours en séance gratuite. donc au 20-24 rue Jogoudbarge à Saint-Étienne. Autre projection dans la région, c'est cette fois le Cine-Étoile de Saint-Bonnet-le-Château qui s'associe à la Biennale Trace pour proposer la projection libre de Michel Toesca qui revient sur la Roya, cette vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie et notamment le personnage de Cédric Héroux qui participe à porte-soutien, refuge, aide aux personnes réfugiées et migrantes d'aujourd'hui. Ça se passe donc au Cine-Étoile à Saint-Bonnet-le-Château ce vendredi 16 novembre également à partir de 20h30. Une projection qui sera suivie d'ailleurs d'une discussion, rencontre avec l'association Abri-toi 42 qui aide donc à héberger les personnes en grande difficulté. Autre rendez-vous dans le cadre de Trace, c'est une lecture cette fois et une intervention, rencontre avec David Malachini. On vous a proposé une interview il y a peu pour présenter cette Biennale 2018, Noir Bigrand de David Malachini. Lecture ce vendredi 16 novembre également à 18h30, l'entrée est libre et ça se passe du côté de la Maison Rouge, cette rue Paul Appelle, c'est le quartier Crédroc, Carnot, Saint-Étienne. Lecture d'extrait par Marie-Hélène Mathieu et Benoît Maire, avec l'auteur bien sûr David Malachini qui sera présent. C'est proposé par Les Moyens du Bord, qu'on a aussi retrouvé sur cette antenne. Autre rendez-vous, ce sera avec Dio et la salle Le Fil, ce 21 novembre prochain, c'est-à-dire mercredi prochain, dans quelques jours, en fin de journée, avec un after-work spécial Selam. Selam, c'est une pépinière d'initiatives solidaires qui propose des projets, des activités socioculturelles aux personnes en situation de migration et qui mène un projet d'échange entre Rabat, le Maroc et la France, Saint-Étienne. Et voilà, des projets d'échange donc socioculturels, toujours portés par ces personnes en situation de migration bien souvent. Et la musique, la culture, il tient une place assez centrale et ça a donné en tout cas la naissance à une production discographique via un maxi EP, petit album, mini album, disque, donc témoignage de ces échanges et de ces projets. Ce sera présenté mercredi prochain, 21 novembre, au Fil 20 Boulevard Thiers, à partir de 18h à Saint-Étienne. Cette soirée fera aussi l'objet d'une retransmission en direct sur l'antenne du 895 de Duo, à la fois pour présenter ce projet, ses lames et ce maxi, cette sortie CD, et puis également pour suivre en musique toute la soirée, puisqu'il y aura des mix, différentes propositions, animations musicales, dont le projet Midnight Reverse, le projet emmené par Dom, que l'on connaît au sein de iTone par exemple, qui là aussi réalise échange entre finalement Lyon, France et notamment le Mali et Bamako, et qui donne lieu à ce projet Midnight Reverse en version DJ proposé donc mercredi prochain. Ne manquez pas ce rendez-vous. Voilà, cela intervient également dans le cadre de Migrants Scène, le festival de la CIMAD, qui là aussi vient juste de s'ouvrir puisqu'il a commencé hier, ce 14 novembre, il va se prolonger jusqu'au 16 décembre prochain. Migrants Scène, c'est le festival de la CIMAD, d'ici et d'ailleurs, ensemble, en sont les mots d'ordre. Pas mal de propositions aussi faites dans ce cadre-là et programmation quelque peu croisée d'ailleurs avec le festival, la Biennale Trace 2018. On vous renvoie également pour quelques rendez-vous très rapides sur le site du numéro 0 par exemple, numéro0.l'autre.net, qui relate précisément un appel à soutien et une alerte expulsion d'une trentaine de personnes de différentes nationalités. Et cela concerne précisément la ville de Saint-Étienne. Cela se déroule du côté du 1 de la rue Brossard. Des menaces d'expulsion encore tout récemment et des appels à soutien qui sont lancés. N'hésitez pas à aller consulter le site. Voilà, on va terminer tout simplement eh bien, avec aussi cette annonce musicale, parce qu'on vous a proposé deux extraits durant cette émission. Tout d'abord le collectif Le Temps des Cerises qui chantait Versailles et qui nous parlait de aussi finalement situation franco-tunisienne, et puis également cette chanson de Salah Sadawi, Déménagement, issu de l'album El Jazahir en 85. Mais ces extraits sont issus d'une compilation qui est menée précisément par des historiens Naïma Yahi et Hamzat Boukhari Yabara qui ont écrit le livret du disque et qui se sont associés à Rossé, le rappeur, pour réaliser cette compilation. Donc dans ce livret, on retrouve la description des contextes aussi de l'époque et des pays dont proviennent les morceaux proposés. Un beau projet là aussi de traces et de mémoire que l'on vous recommande encore chaudement. Cela s'intitule « Par les damnés de la terre, des voix de lutte 1969-1988 » via Hors Cadre, et c'est sorti le 2 novembre dernier. Nous en avons